bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans le cours de l'histoire. Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Pour se rendre sur une île, il faut traverser la mer, parfois un océan. C'est un passage, un déplacement, une traversée. Une fois arrivés sur cette île, nous nous trouvons coincés entre deux immensités, celle du ciel et celle de l'eau. Nous sommes entre deux bleus. Au XVIe siècle, c'est sur une île que l'humaniste Thomas More place sa société idéale, son utopie, un lieu au milieu de nulle part, coupé de tout, loin des tracas du monde. Mais il faut parfois se méfier des îles, celles des esclaves par exemple que Marivaux décrit au XVIIIe siècle. Il y a de la servitude dans l'isolement. Il faut aussi se méfier des sociétés idéales, surtout quand elles sont organisées par les autorités, par l'armée. Ce fut le cas dans les années 1950 en Algérie, pendant la guerre. Là aussi, de l'autre côté de la mer, mais loin de l'utopie. À quelques mois des élections municipales, le cours de l'histoire s'intéresse à nos villes et à notre capacité de vivre ensemble. Des émissions que vous pouvez réécouter en ligne sur le site internet Le Cours de l'Histoire, franceculture.fr ou bien en podcast. Et puis, vous pouvez nous retrouver avec toutes les actualités de l'émission sur le groupe Facebook Le Cours de l'Histoire. Aujourd'hui, nous allons parler de la guerre d'Algérie ou comment l'armée se mêle d'architecture pendant la guerre d'Algérie avec Samia Eni, historienne, théoricienne de l'architecture. Elle est maîtresse de conférences à l'université Cornell, c'est dans l'état de New York aux États-Unis, et elle est l'auteur d'Architecture de la contre-révolution, l'armée française dans le nord de l'Algérie aux éditions B42. Puis nous irons habiter en utopie avec vous, Michel Lallemand. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur au Conservatoire national des arts et métiers, vous êtes titulaire de la chaire d'analyse sociologique du travail, de l'emploi et des organisations. Vous êtes aussi membre du laboratoire interdisciplinaire pour la sociologie économique, c'est beau comme titre, c'est un laboratoire en fait, et le mot est là, interdisciplinaire. Hein. Donc il y a l'histoire, il y a la sociologie. Il y a différentes disciplines, mais également la gestion, le droit, etc. Donc on travaille de concert avec différents regards disciplinaires, effectivement. Vous êtes l'auteur aux éditions du Seuil d'un ouvrage intitulé « Un désir d'égalité, vivre et travailler dans des communautés utopiques », d'où la nécessité d'un regard pluridisciplinaire, parce qu'il faut évidemment de l'histoire, de l'organisation. Vous allez nous parler de tout ça tout à l'heure, et en fin d'émission, nous retrouverons Anaïs Quien qui assure également la programmation de l'émission Le Cours de l'Histoire, Anaïs Quien qui viendra avec son journal de l'Histoire. Mais pour le moment, nous nous rendons à Alger, mais en 1948, à travers le regard très particulier des actualités françaises. Plus d'un siècle a passé depuis l'époque où les vieux canons de la Casbah protégeaient le bassin de cette petite ville d'Algézaïr, qu'on a depuis appelée Alger. Entre l'image de la Casbah et de son petit port de pirates, et la vision de la capitale d'aujourd'hui tiennent 100 ans d'histoire. 100 ans d'une histoire qui commence longtemps auparavant, avec la grande mosquée dont certaines pierres datent du XIe siècle, dont le minaret date du XIVe, qui fut remanié au XVIIIe et qui reste l'un des ensembles les plus complets de l'ancien refuge des pirates barbaresques. Samia Eni, bonjour. Bonjour. Ce que nous venons d'entendre, c'est un extrait des actualités françaises en 1948. 1948, on sent le document de propagande. Nous parlons d'Alger, c'est ce qu'on entend dans cette archive. Alger en 1948, en période de paix, donc une paix qui serait à relativiser parce que nous sommes après la Seconde Guerre mondiale, après le début d'un mouvement populaire en Algérie, mais les actualités françaises présentent encore la paix. Au moment de la colonisation, quelle est l'architecture française, coloniale, en période de paix? Vous savez, on a, nous, cette image qu'on nous a vendue pendant longtemps de la mission civilisatrice. Il y avait cet aspect-là pour changer les villes en Algérie? Oui, cette mission civilisatrice a vraiment commencé depuis le début de la colonisation en 1830. Peut-être une année marquante pour l'architecture en Algérie, c'est 1930. Quand on a célébré le centenaire de la présence française en Algérie, quand le gouvernement français avait organiser des expositions, avait construit aussi des bâtiments pour célébrer sa présence et sa colonisation en Algérie. L'architecture est utile pour montrer la présence du colonisateur, en tout cas, en l'occurrence, l'Algérie étant un département français, la présence française en Algérie. Il y a une utilisation de l'architecture pour bien montrer cette présence. Absolument, pour représenter le pouvoir, absolument. Et aussi, surtout en Algérie, vu que c'était un département français, on a voulu aussi peupler ce territoire, donc on a voulu créer une France en Algérie, pour pouvoir attirer les Français qui vivaient en France, mais aussi les Européens. Donc on a voulu créer une autre France sur le territoire algérien. On est en période de paix, hein. On imagine très bien comment il y a une vision globale de l'Algérie, où l'on peut créer, allez, ici une préfecture, des bâtiments qui rappellent ce que peut être la France. Ces bâtiments sont construits pour une population de Français qui se déplacent, qui viennent, pour les gens. Les Arabes, les Berbères, les gens qui sont en Algérie, est-ce qu'il y a un souci d'architecture ou est-ce que pendant la période coloniale, donc qui commence en 1830, le pouvoir ne pense à rien ou imagine comment les mettre dans des villes, comment conduire une population à s'urbaniser en Algérie? Peut-être un commentaire sur ce que vous appelez paix. Pour moi, la colonisation est en intime rapport avec, on va appeler ça guerre, les Français appelaient ça pacification, mais c'était vraiment une colonisation, disons, des peuples et des territoires qui était très violente. On ne construisait pas nécessairement pour les populations qui habitaient en Algérie avant l'arrivée de l'armée française et des Français. On construisait surtout pour les Européens qui arrivaient et pour les Français qui devaient participer à cette colonisation des peuples et des terres. On a commencé très très tard à construire pour les populations qui habitaient en Algérie. Donc pour moi, la colonisation est très liée à ce qu'on n'a jamais vraiment appelé guerre, mais ce qu'on pourrait appeler... Enfin, ce que j'essaie de démontrer aussi, que la colonisation est lié à l'occupation qui est très souvent très violente, une occupation forcée des terres et des peuples. Et vous avez particulièrement étudié, Samia Henni, une période complexe que longtemps la France a qualifiée d'événement en Algérie, qui a été reconnue comme étant une guerre à partir des années, allez, fin des années 40, 1950 jusqu'en 1962. Et encore, on pourrait réfléchir à étendre cette période. C'est ce que vous avez étudié dans cet ouvrage, Architecture de la contre-révolution, l'armée française dans le nord de l'Algérie, aux éditions B42. Il y a un véritable changement, on le sent dans ces années 1950. Jusqu'alors, vous nous l'avez dit, c'est vrai que la préoccupation architecturale concernait surtout ceux qui venaient de France pour s'installer en Algérie. À partir des années 50, il y a une autre réflexion. On s'intéresse à comment on va s'occuper des populations locales. Il y a des camps. Et c'est vrai que ça, c'est un aspect qu'il faut souligner. Au début des années 50, il y a des camps pour les Algériens. Absolument. En fait, durant les années 50, on sentait, on commençait, je dirais même avant, après la Deuxième Guerre mondiale, la France avait promis certaines choses aux Algériens qui n'ont jamais été tenues. Donc je dirais qu'il y a eu plusieurs révolutions algériennes, la dernière en temps de colonisation française étant de 1954 à 1962. Donc on a voulu, pendant ces années 50, quand il y avait vraiment une ère, disons, de décolonisation en Afrique, en Asie en général, on sentait que les Algériens aussi voulaient leur indépendance, bien entendu. Donc on a essayé de créer ou de lutter contre cette révolution par l'espace. C'est-à-dire, quand je dis architecture de contre-révolution, pour moi l'architecture, c'est oui, l'art de bâtir, de construire, mais c'est aussi l'art d'organiser des espaces, des terres, mais aussi des populations. De contre-révolution, parce que il y avait une révolution algérienne qu'on n'a pas vraiment voulu nommer en tant que telle. Comme vous disiez tout à l'heure, on appelait ça les opérations de maintien de l'ordre ou les événements d'Algérie. Et pendant cette période, les officiers militaires français appelaient ça aussi la guerre moderne, ou la guerre totale, et aussi la guerre psychologique, la guerre subversive. Et donc, en fait, ils ont essayé de proposer une doctrine contre-révolutionnaire, ce qu'on appelle aujourd'hui contre-insurrectionnelle. Parce que le mot « révolution » veut aussi dire qu'on accepte un changement radical et capital d'un pouvoir établi. Et l'insurrection, c'est une émeute, un soulèvement qui peut être temporaire. Donc, par rapport à cette architecture de contre-révolution, on a essayé d'organiser des peuples et des terres, bien entendu. On a créé, au début des années 50, donc juste après le 1er novembre 54, des zones interdites où on a évacué des populations dans des camps que l'armée française avait appelés les centres de regroupement. Et en fait, ce changement radical dont vous avez parlé, surtout par rapport à l'habitat, il est proposé avec la venue ou le retour du général Charles de Gaulle au pouvoir en 1958. On n'imagine pas, c'est vrai, quand on a une lecture de cette période difficile de relations entre la France et l'Algérie, de ces années 50, ça commence en 1954, cette guerre, vous nous l'avez rappelé, on n'imagine pas combien il y a un regard porté par le pouvoir français sur ce qui se passe là-bas, avec notamment une forme d'incompréhension. Vous nous rappelez notamment le rôle de Michel Rocard, qui est tout jeune, Michel Rocard, à ce moment-là. Michel Rocard, il a 28 ans, hein, et qui fait un rapport sur l'état de ses camps en Algérie, et lui-même est surpris, on parle de camps avec des millions de personnes. Donc il y a aussi une nécessité de réfléchir à une architecture pour régler cette question des camps. C'est ça aussi qui lance ce mouvement que vous étudiez de l'architecture voulue, réfléchie par l'armée française. Absolument. En fait, grâce au rapport de Michel Rocard, quand il est envoyé en Algérie pour son stage, il découvre ces camps et il écrit ce rapport et il le diffuse. Et en fait, il y a un scandale médiatique qui est assez grand et assez unexpected. Inattendu. Inattendu. Et on va dire grâce à ce rapport, De Gaulle demande à Delouvrier de repenser ces camps. Et Delouvrier lancera un programme aussi national qui s'appelle le programme des 1000 villages. Donc on essaiera de transformer des camps temporaires ou permanents en villages. C'est vrai que nous comprenons bien cette réflexion que vous nous exposez, où l'armée française, après la Seconde Guerre mondiale, sentant que l'Algérie va se soulever parce que c'est un mouvement général de décolonisation, déplace des populations, ce qui crée des camps, ce qui oblige à réfléchir à des constructions. Une autre archive, une archive du 3 octobre 1955, ce sont toujours les actualités françaises, où à Alger, une nouvelle cité est inaugurée. La date du 3 octobre 1955 est à marquer d'une pierre blanche dans la lutte engagée par la municipalité d'Alger contre le taudis et en faveur du logement. Pierre blanche, certes, et même innombrables pierres blanches qui s'érigent désormais sur les hauteurs du Clos Salambier à Alger face à l'immensité marine pour accueillir 1500 foyers, 1500 familles qui vont connaître le bonheur de vivre dans une cité merveilleuse, Diar el Massoul, la cité de la promesse réalisée. C'est à 15h30 cet après-midi que Monsieur le ministre Jacques Chevalier, député maire d'Alger, président de l'office public des HLM, entouré de son conseil municipal et d'un public considérable, a accueilli Monsieur Jacques Soustelle, gouverneur général de l'Algérie, venu trancher le ruban symbolique donnant accès à la cité nouvelle. En compagnie de toutes les autorités civiles, consulaires, militaires et religieuses d'Alger, escortés d'ingénieurs, de techniciens et d'une foule enthousiaste, Messieurs Soustelle et Chevalier ont gagné le cœur de la cité, une fort belle place entourée de bâtiments tout blancs face à la mer. Ah là là, la joie autour de cette inauguration d'une cité en 1955 à Alger. Aujourd'hui, dans le cours de l'histoire sur France Culture, nous parlons de l'Algérie en guerre et comment l'armée française et comment la France a utilisé l'architecture comme une arme contre-révolutionnaire. Et là, ce que nous venons d'entendre, cette inauguration d'une cité en 1955, c'est également une réponse à tout ce déplacement de population. C'est-à-dire que vous, Samia Enni, ce que vous avez étudié, c'est comment l'armée occupe le territoire, comment la France veut tuer toute insurrection en déplaçant les populations. Et ces constructions, donc on imagine très bien ces constructions des années 1950, ce sont des grands ensembles en fait, c'est ça, ce sont des barres d'immeubles, on connaît ça, on a pareil en France. C'était pour accueillir une autre population, avec quelle volonté en fait? Tuer toute volonté d'insurrection? En fait, 1955, quand on a inauguré Diyar al-Mahsoul, c'est bien avant l'arrivée de De Gaulle. On est là face à une inauguration d'un projet que Jacques Chevalier avait commencé bien avant le 1er novembre, bien avant le début de la révolution algérienne. 1er novembre 1954. Exactement, 1er novembre 1954. Et en fait, Chevalier était le maire d'Alger, et on l'appelle aussi, enfin, il avait sa bataille de logement aussi, parce qu'à Alger, il y avait beaucoup de bidonvilles, et il vivait à Alger, donc il voyait tous ces gens qui vivaient à Alger dans ces bidonvilles. Il avait vraiment commencé à faire, ou à traiter ces bidonvilles et à construire des logements bien avant la révolution. Et il avait invité Fernand Pouillant, qui est un architecte français très connu et aussi très célébré en Algérie, vu qu'il a construit des logements très particuliers, très intéressants, et qui est revenu après l'indépendance pour travailler pour le ministère du tourisme indépendant après l'indépendance. Mais en fait, le plan de Constantine, ou les logements du plan de Constantine, quand De Gaulle retourne au pouvoir, il écarte Chevalier et plusieurs architectes qui avaient travaillé avec Chevalier et qui avaient une sensibilité très différente. Donc De Gaulle voulait vraiment des logements pour le plus grand nombre, d'une façon aussi très express ou très rapide. Et ce sont des logements qui ne répondaient pas forcément aux nécessités des populations. Oui, parce que vous évoquez des projets qui concernent là encore des millions de personnes. C'est-à-dire qu'il y a une volonté venant du pouvoir de construire une ville d'un coup, en quelques années, en très peu de temps. Construire une ville en quelques années pour répondre à un accroissement de la population, sans doute, mais pas seulement. C'est aussi surtout pour canaliser cette population. Absolument. Et ce qui est très intéressant, surtout dans ce qu'on appelait la résorption des bidonvilles pendant la révolution algérienne, c'est que le bidonville était considéré en tant que noyau de vie des révolutionnaires. Vu que une des caractéristiques de la guerre moderne, c'est que l'ennemi vit parmi la population, donc on ne peut pas vraiment distinguer les amis des ennemis, tout le monde devient suspect. Et c'est pour ça que le bidonville et, disons, l'aspect, l'organisation spatiale des bidonvilles était tellement dense que l'armée française ne pouvait pas vraiment, pour utiliser un mot qu'ils utilisaient, pénétrer dans ce tissu urbain. Donc on a essayé aussi de, on va appeler ça comme ça, comme ils nommaient ça, ils essayaient de nettoyer, entre guillemets bien entendu, les bidonvilles, donc d'évacuer aussi la population des bidonvilles. On a créé des cités de transit et après, ces populations étaient aussi, déplacées dans des unités, disons, dans des logements qui étaient aussi très très petits. Il y avait aussi une volonté de limiter ce que l'armée française avait appelé la promiscuité. On a construit des logements très très petits pour éviter que la famille vive ensemble. Oui, il y a une vraie réflexion, on le sent, hein, dans le déplacement de la population. Un bidonville, c'est vrai que c'est difficile à tenir quand on est une armée. Le bidonville, c'est quelque chose qui nous échappe. Et d'ailleurs, Samia Enni, il y a un écho intéressant. On évoque le bidonville en Algérie, après la Seconde Guerre mondiale, que l'armée aimerait bien contrôler. Mais on a un écho similaire avec la Casbah. La Casbah d'Alger, c'est un peu la même chose. En réflexion à ce problème-là, on va écouter un extrait de Pépé le Moko, le film de Julien Duvivier. C'était en 1937 avec Jean Gabin, qui va se réfugier, petite rue en français, dans la Casbah d'Alger, ce qui pose un problème énorme à la police, parce que c'est dur de retrouver quelqu'un dans la Casbah d'Alger. Le quartier d'Alger qu'on appelle la Casbah, profond comme une forêt, grouillant comme une fourmilière, est un vaste escalier dont chaque terrasse est une marche et qui descend vers la mer. Entre ces marches, des ruelles tortueuses et sombres, des ruelles en forme de guet-apens, des ruelles qui se croisent, se chevauchent, s'enlacent, se désenlacent dans un fouillis de labyrinthe. Les unes étroites comme des couloirs, les autres voûtées comme des caves. De tous côtés, dans tous les sens, des escaliers, des montées abruptes comme des échelles, des descentes vers des gouffres sombres et puants. Des porches suintants, envahis de vermine et d'humidité. Des cafés obscurs, bondés à toute heure. Des rues désertes qui habitent le silence, des rues aux noms étranges. Les maisons comportent des cours intérieures, isolées comme des cellules sans plafond et sonores comme des puits, communiquent presque toutes entre elles par des terrasses qui les dominent. Ces terrasses sont le domaine exclusif des femmes indigènes, mais l'Européen y est cependant toléré. Elles forment une ville à part, et de marche en marche, descendent ainsi jusqu'à la mer. Colorées, vivantes, multiples, hurlantes, il n'y a pas une Casbah, il y en a 100, il y en a 1000. Il y en a 1000, c'est d'autant plus compliqué à contrôler pour la police. Un extrait du film Pépé le Moko de Julien Duvivier en 1937, où on le retrouve, Samia Henni, on retrouve ces deux aspects de ce que vous nous expliquiez dans la volonté de faire une politique architecturale en Algérie. Il y a le côté, on l'a bien entendu, civilisateur, tel que la mission de la France l'oblige à regarder ses populations. Là, on a entendu, il y a le côté l'hygiène, tout ça, qui est sans arrêt évoqué. Mais il n'y a pas que ça aussi, dans le cas de la Casbah d'Alger. Il y a aussi la crainte de ne pas pouvoir maîtriser un territoire. Et là, on est vraiment dans quelque chose de concret. Votre ouvrage s'intitule Samia Henni, architecture de la contre-révolution, l'armée française dans le nord de l'Algérie. Cette volonté de modifier l'architecture, de déplacer les populations pour les mettre dans des villes, c'est vraiment une réflexion de l'armée. C'est quelque chose qui est aussi créé par les militaires. Je dirais oui, absolument. Il y a même des directives qui s'appellent Opération Bidonville, Opération Casbah. Donc on essaie vraiment de, on va dire, pénétrer dans ces tissus urbains très denses pour essayer de contrôler la population et de la surveiller et aussi de recenser la population pour l'identifier et pour savoir aussi où elle se déplace, qui elle est et comment elle vit dans cet espace, qui est le territoire algérien, qui est énorme pour l'armée française. Donc oui, l'armée va penser, enfin je vais même trouver une directive qui s'appelle des mesures sur l'urbanisme. Donc on essaie vraiment à penser à l'aménagement, peut-être pas l'architecture, mais l'aménagement du territoire, l'urbanisme, l'organisation des villes et surtout l'organisation des populations sur ces territoires. Donc j'ai aussi essayé de comprendre comment l'armée française a proposé des politiques urbaines sans les nommer, sans dire voilà ça c'est totalement urbain, ça c'est totalement architectural. Mais en essayant de lire vraiment ce qu'ils avaient essayé d'imaginer et comment par exemple créer des zones interdites ou des camps ou même des sites, cette résorption des bidonvilles par exemple, ils avaient même créé des sections administratives urbaines, c'était des unités militaires qui vivaient aussi entre ou parmi la population. Ce qui est aussi très intéressant, c'est que ce genre de pratique, avec l'arrivée de Maurice Papin en France ou à Paris en tant que préfet de police, il a même, disons, ramené ou déplacé ses officiers des SAU en France, à Paris, pour essayer aussi de résorber, de faire une résorption des bidonvilles, par exemple à Nanterre. Oui, ça c'est important, Samia Henni, de le préciser, parce que cette figure de Maurice Papon, que l'on croise en fait évidemment dans l'histoire de l'Algérie, et que l'on retrouve à Paris ensuite, et avec tout l'écho que peut avoir ce nom aujourd'hui prononcé de Papon quand on parle de l'Algérie, parce que c'est vrai que ça a une profondeur très particulière, cet homme fonctionnaire la rigueur, le droit, en fait, nous propose aujourd'hui une relecture complètement différente de son action. Qu'est-ce qu'il a fait en Algérie, Papon ? Il faisait quoi là-bas ? Après le régime de Vichy, il a travaillé, il a continué à exercer, et il est envoyé en Algérie. Mais pendant la guerre, la révolution algérienne, il était inspecteur général de l'administration mission extraordinaire à Constantine, où il devait aussi s'occuper des camps de regroupement. Et c'est lui qui avait demandé de ne pas utiliser le mot « camp » et le mot « concentration ». Et donc, en fait, avant le retour du général de Gaulle, il est nommé préfet de police à Paris, et le général de Gaulle maintient cette position. Et ce qui est intéressant, c'est que certaines pratiques qui sont utilisées en Algérie deviennent, se normalisent aussi en France. C'est ça, c'est ce côté l'Algérie qui a servi un peu de zone d'expérimentation pour gérer des populations urbaines avec ces grands bâtiments que l'on évoquait, qui ont servi à résoudre les bidonvilles en Algérie. On va retrouver la même question en France avec le bidonville célèbre de Nanterre, mais il n'y a pas que lui. C'est la même démarche avec les mêmes personnes. En l'occurrence, Papon et d'autres, ces fonctionnaires qui étaient en poste en Algérie, qui reviennent après l'indépendance et qui continuent d'utiliser ces méthodes. Mais dans la réflexion des autorités françaises ou de l'armée française, quand on imagine déplacer des populations, construire des villes nouvelles, construire des bâtiments, il y a vraiment une projection sur le très long terme. C'est-à-dire qu'il y a malgré tout une évidence que la France va rester en Algérie. Ce n'est pas comme une opération armée, où l'on descend et voilà, on arrête, où l'on tue. Là, on est vraiment sur une vision à très long terme. Exactement. C'est surtout avec l'arrivée du général de Gaulle que ce long terme va se concrétiser. Pourquoi ? Parce que avec le lancement du plan de Constantine, donc ce plan socio-économique, long terme, industriel, en matière d'industrie, mais aussi d'agriculture, mais aussi de logement, donc d'industrie de la construction. En construisant, on insiste ou on confirme que la France veut rester en Algérie. Veut rester en Algérie, disons physiquement, mais aussi économiquement. Ça veut dire que même après l'indépendance, certaines compagnies qui construisaient ces grandes villes, mais aussi ces logements, ont continué à travailler en Algérie, même après l'indépendance. Donc c'était une façon de prolonger la présence française en Algérie, physique mais aussi économique. Samia Henni, dans votre ouvrage « Architecture de la contre-révolution », donc sur la présence française et l'architecture française en Algérie pour le maintien de l'ordre, j'ai envie de dire tout simplement, vous montrez énormément d'illustrations, notamment des affiches de propagande ou de promotion du plan de Constantine, où le slogan est « La route de l'avenir ». Ce plan de Constantine, voulu par le général de Gaulle, est quelque chose de gigantesque. C'est vraiment, on construit... alors. C'est un projet, c'est un énorme projet papier. On imagine bien qu'il y a, dans ces années 50, fin des années 50 et début des années 60, une volonté d'aller très loin et que tout est possible. Mais quand on le regarde aujourd'hui, le projet est fou tellement c'est immense. Absolument, il est vraiment immense. Le général de Gaulle a nommé Paul de Louvrier, qui est une figure très très importante après la Deuxième Guerre mondiale en France, vu qu'il est aussi membre de ce commissariat du plan. Donc il y a vraiment cette utilisation, ces plans de développement qu'on appelait en France de modernisation, de long terme, avec des ressources gigantesques. Donc il a vraiment nommé Paul de Louvrier pour pouvoir lancer et implémenter, réaliser une partie, disons, de ce plan. Donc c'était un plan gigantesque, en partie qui a été réalisé. Donc on a vraiment relancé l'industrie française en Algérie avec des compagnies françaises qui étaient déjà en Algérie, mais aussi des compagnies qui venaient de France et qui travaillaient aussi avec les compagnies qui étaient en Algérie. Donc il y a vraiment cette idée d'avenir qui était très importante. Paul de Louvrier, après, de 1961 à 1969, il devient une figure très importante dans l'aménagement du territoire de la région parisienne. Donc on voit aussi cette, disons, ce dialogue, cette continuation, ce transfert de pratiques et de savoirs entre la colonie et le gouvernement, ou disons le territoire français. En 1962, l'Algérie obtient son indépendance. Tous les projets architecturaux ne sont pas menés à terme, sans doute pas, mais certains le sont. Aujourd'hui, les traces restent dans le paysage. C'est énorme, en fait. On retrouve, alors c'était une volonté sans doute de maintenir la population, avec quand même une scission très nette hein, entre les colons et puis les locaux. Ça, c'était une évidence. Mais aujourd'hui encore, Samia Henni, on le voit en Algérie, il reste des traces physiques de cette présence, ne serait-ce que par les logements. Les logements qui étaient attribués en fait à tout le monde. Ça rentre en ligne de compte, ça, quand on étudie un sujet historique, l'architecture de la contre-révolution, c'est la guerre d'Algérie, mais en fait, il est toujours présent. Absolument. Ce paysage est toujours présent. Il fait partie vraiment de la vie de tous les jours de millions d'Algériens qui y vivent toujours. Et c'est pour ça que c'est intéressant de l'étudier, parce que quand on comprend le lieu où l'on vit, on vit sans doute toujours un peu mieux, quelle que soit l'histoire qu'il a portée. Merci beaucoup, Samia Henni, architecture de la contre-révolution, l'armée française, dans le nord de l'Algérie. Et nous poursuivons notre voyage dans le cours de l'histoire pour aller vivre en utopie. France Culture, le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Dans le cours de l'histoire sur France Culture, Björk qui chante Utopia, Utopie. Le cours de l'histoire, une émission réalisée par Perret Legras, avec aujourd'hui à la technique Élise Le et Jean-Guilain Meige. Dans le cours de l'histoire, nous nous intéressons à notre capacité à vivre ensemble. Et là, nous sommes dans un monde d'utopie. Vous allez nous en parler, Michel Lallemand. Michel Lallemand, donc professeur au Conservatoire National des Arts et Métiers. Et vous venez avec un désir d'égalité, c'est le titre de votre livre, au seuil, sous-titré « Vive et travailler dans des communautés utopiques ». Cette communauté que vous avez, alors j'allais dire étudiée, j'ai presque envie d'ajouter, que vous avez vécu, parce que vous y avez été, c'est Twin Oaks. Nous sommes où? Nous sommes aux États-Unis? Nous sommes aux États-Unis et plus exactement sur la côte Est et en Virginie, disons un peu à l'intérieur des terres, donc dans un espace très rural. Et donc c'est les États-Unis, vous savez, les gens qui vivent aux États-Unis vous disent toujours, si vous allez à Boston ou à San Francisco, vous ne connaissez pas vraiment les États-Unis. Là, c'est vraiment l'intérieur des États-Unis, donc dans une petite ville, dans un espace rural, voilà, c'est le cœur des États-Unis. Cette communauté apparaît à quel moment? Donc là, nous sommes, allez, dans le cliché, nous sommes dans les années 60, nous imaginons un monde hippie. En fait, c'est pas dans ce contexte-là qu'elle a apparaît, mais ça s'inscrit plutôt dans une vraie réflexion du vivre ensemble. Donc, elle apparaît en 1967. C'est ça. Twin Oaks a célébré exactement ses 50 ans en juin 2017. L'installation officielle a eu lieu le 16 juin 1967. Et c'est assez fascinant parce que lorsqu'on regarde les photos des jeunes gens qui sont installés à ce moment-là, ils avaient tous les cheveux courts, des chemises très propres, etc. Rien à voir avec la caricature des hippies. Et c'est simplement après que les hippies sont venus s'installer à Twin Oaks et ont contaminé, si j'ose dire, la culture des premiers fondateurs. En 1967, ce sont des jeunes gens, ils sont combien ? Oh, ils sont vraiment une poignée. Il y a 5 fondateurs et puis après, la communauté grossit assez vite. Elle grossit au fil du temps pour arriver aujourd'hui une centaine de personnes. Et donc, ce sont de jeunes gens, donc ils ont la vingtaine, mais exactement. Dans quel mouvement s'inscrivent-ils pour fonder une communauté ? Donc, vous avez dit, ils ont les cheveux courts, ils ne sont donc pas hippies. Donc, vous voyez, ils réfléchissent à leur monde, mais surtout, il y a vraiment une pensée derrière la création d'une utopie. En vérité, c'est une communauté, parce que pour eux, ce n'est pas une utopie. Elle est réelle, cette communauté. C'est ça. L'idée, c'est de prendre au pied de la lettre une utopie qui avait été écrite par quelqu'un qui, à l'époque, était un grand nom de la psychologie américaine, mais qui avait vraiment un rayonnement médiatique fort, qui était Bruce Skinner. Donc Skinner, dont on a peut-être un peu oublié la personnalité et les travaux, vous savez, avait écrit une nouvelle qui s'appelait Walden 2, Walden numéro 2, en référence, un clin d'œil à David Thoreau, qui avait écrit en 1854, si ma mémoire est bonne, Walden, qui était une expérience de vie solitaire dans les bois. Et Skinner s'était dit, il faut que ce retrait hors du monde pour fabriquer une autre société, pour faire utopie, soit pas simplement le fait d'un seul individu, mais il faut que ça soit social. Et il avait imaginé une autre société, mais c'était encore une utopie de papier. Et donc ces jeunes gens qui font Twin Oaks se disent, nous, on va réaliser ce Walden 2, et donc, ils achètent un bout de terre en Virginie, vont cultiver du tabac et vont essayer de mettre en œuvre concrètement les principaux préceptes qui avaient été édictés par Skinner dans son Walden 2. Alors Michel Allemand, justement, quels sont ces préceptes ? Comment s'organise une communauté qui apparaît à la fin des années 60 aux États-Unis ? Alors d'abord, la première chose, c'est de reconnaître que le travail est une chose importante, ce qui peut paraître assez bizarre, puisque parfois on a l'image de ces communautés hippies, où on prend de la distance, il y a toute forme d'investissement productif, etc. Mais très vite, ces communautés s'aperçoivent que si on ne travaille pas, on ne peut pas perdurer dans le temps. Donc il faut imaginer d'autres formes de travail, d'autres façons de travailler. Et ce qui fait, ce qui donne la saveur, si vous voulez, utopique et alternative à cette communauté, c'est que très vite, ils mettent l'égalité comme principe de fonctionnement dans la communauté. Égalité, c'est que tout le monde va travailler à équivalence, c'est qu'on ne fait pas de différence entre hommes et femmes. Ce qui peut être même un peu choquant, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, les enfants vont travailler assez tôt, que les seniors vont continuer à travailler. Mais derrière ce principe d'égalité, il y a aussi l'idée que on va remettre en cause des oppositions traditionnelles entre le travail domestique et le travail productif. Et donc, que le travail, par exemple, la vaisselle, faire à manger, etc., ça compte pour autant que le travail de production du tofu ou des hamacs qu'on va réaliser dans la communauté. Donc, l'égalité est au cœur de cette communauté utopique. Et c'est, d'ailleurs, ils revendiquent l'utopie. Ils disent, ici, c'est pas le paradis, c'est l'utopie. Bon, peut-être pas encore complètement l'utopie complète, mais d'où on est, on la voit mieux que d'ailleurs. Voilà. Et puis, Michel Lallemand, il y a aussi une réflexion sur la propriété. Ah oui, alors fondamentale. C'est-à-dire que, vous savez, aujourd'hui, on a toute une réflexion sur les communs. En d'autres termes, on peut imaginer d'autres façons de se partager et de gérer des biens qui sont collectifs. Et dans ce type de communauté qu'on appelle communauté intentionnelle aux États-Unis, pour bien mettre l'accent sur le fait qu'on a un projet commun, un des projets, c'est de dire on va tout mettre ensemble et donc on va en finir avec la propriété privée et on va avoir un ensemble de biens. Ces ensembles de biens qui sont les terres, qui sont les bâtiments, qui sont aussi la nourriture qu'on va vous donner tous les jours, sont des choses qui sont partagées ensemble. Et donc on travaille et en contrepartie, on bénéficie de façon collective à la fois des bâtiments, de la nourriture, etc. Et y compris des vêtements. Et dans cette communauté, très vite, on met en place ce qu'on appelle un comic loves, c'est-à-dire un magasin de vêtements où chacun vient se servir pour pouvoir s'habiller comme il l'entend. Nous parlons donc de Twin Oaks, qui est une communauté en Virginie créée en 1967 et qui grandit peu à peu. Mais Michel Allemand, vous avez étudié les communautés utopiques aux États-Unis. Il y en a plusieurs. Tenez, il y en a une qui est bien connue. On a tous été au moins une fois et on a rêvé dessus. Je vous le dis tout de suite, quelques notes de guitare, c'est une maison bleue. C'est une maison bleue, adossée à la colline. On y vient à pied, on ne frappe pas. Ceux qui vivent là ont jeté la clé. On se retrouve ensemble après des années de route, et on vient s'asseoir autour du repas. Tout le monde est là à 5 heures du soir. Quand San Francisco s'embrume, quand San Francisco s'allume, San Francisco, où êtes-vous? Lise des Lucs, Sylvia, attendez-moi. Attendez-moi, Maxime Le Forestier qui chante La Maison Bleue. Michel Lallemand, vous la connaissez cette Maison Bleue à oui, San Francisco? Oui, c'est une maison très connue à San Francisco, qui a longtemps d'ailleurs été verte et qui était repeinte il n'y a pas très longtemps en bleu, quand Maxime Le Forestier est revenu poser une plaque devant cette maison. Pour faire plaisir aux touristes français. vous connaissez donc la Maison Bleue, d'accord, mais vous connaissez aussi ces communautés utopiques. Vous y avez été, notamment à celle de Twin Oaks. Aujourd'hui, elle se construit comment? L'esprit du début de ces années 60 est resté toujours à Twin Oaks? Oui, l'esprit est resté. Alors, ce qu'il faut, pour répondre à cette question, il faut bien avoir en tête que ces communautés Twin Oaks, comme d'autres, sont des bricolages permanents. Ce ne sont pas des espaces tirés au cordeau, pourrait-on dire parfois, dans les clichés qu'on peut avoir, ce sont des espaces totalitaires, c'est pas le cas. Ce sont des espaces où on réinvente en permanence des règles de vie communes, mais en essayant de rester fidèle aux idéaux de départ. Et donc, l'égalité est un idéal de départ fondamentale. Et par exemple, une des formes d'aménagement qui est assez intéressante, c'est que, on le disait un instant, les gens travaillent et en contrepartie, ils ont accès à tous les biens de la communauté. Et donc, ils n'ont pas de salaire, ce qui est peut-être un peu paradoxal vu l'investissement qui est le leur. Ils travaillent 42 heures par semaine en moyenne. Et je rappelle que dans ces 42 heures, c'est pas simplement la production de biens qu'on va vendre pour pouvoir faire vivre la communauté, mais c'est aussi la vaisselle, l'éducation des enfants, ça peut être également les manifestations politiques. C'est considéré comme une forme de travail, ça participe des idéaux de la communauté, et donc aller manifester, par exemple, il se trouve que Twin Oaks est à côté juste de Charlottesville, et les Hawkers, comme ils s'appellent, ont été manifestés contre le Ku Klux Klan, et ils étaient dans la manifestation dont on a malheureusement parlé, où il y a eu une jeune femme qui a décédé. Donc la notion de travail est très très large, mais toujours avec cette exigence d'égalité. Et puis, il y a quelques années, il y a eu cette idée quand même, vivre sans argent, c'est un peu compliqué. Et donc, c'est du bricolage, c'est précisément ça, communautaire. Désormais, les Hawkers ont droit à des petites sommes d'argent tous les mois. Donc, ils ont à peu près une centaine de dollars pour acheter du café, pour acheter des sucreries, et tout, etc. Bon, voilà. Donc, il y a des aménagements permanents, mais toujours au service d'un idéal qui est un idéal d'égalité. Et dans cet aménagement permanent, Michel Allemand, vous racontez un exemple précis. On pourrait les développer dans un désir d'égalité. Vous expliquez comment fonctionnent ces communautés utopiques, mais à Twin Oaks, par exemple, il y a un problème parce que le matin, à quelle heure on commence le travail? 8 heures. Oh, mais tout le monde est en retard. Eh bien là, il y a une tentative de solution. Oui, alors, ça c'était un premier bricolage. Ils avaient décidé de changer leur système horaire pour avoir leur propre système horaire qui était différent de celui de ce qu'ils appellent le grand monde, j'aime beaucoup cette expression, qui est la société environnante. Et donc, comme les gens arrivaient en retard au travail, ils ont décidé d'avoir un décalage horaire pour pouvoir inciter les gens à arriver beaucoup plus tôt, mais ce qui a, bon, ça n'a pas duré, ce bricolage-là, parce que quand les gens avaient des rendez-vous à l'extérieur, ils se paumaient un peu, comme quand on est un peu perdu avec les décalages horaires, avec les avions, etc. Mais c'est assez révélateur de l'esprit de ces communautés qui bricolent en permanence des façons alternatives de travailler et de vivre ensemble. Et dans cette réflexion que vous pouvez avoir, Michel Allemand, sur ces communautés utopiques, mais concrètes, elles existent, elles sont réelles, vous regardez, c'est votre travail, vous êtes professeur, sœurs et vous étudiez l'ensemble de la société, pas simplement cette étude de cas de Twin Oaks. Vous avez un regard beaucoup plus large. Vous sentez aujourd'hui que ces expériences-là parlent à peut-être notre besoin simplement de vivre le monde. Alors ce qui est intéressant quand on regarde l'histoire, pour le coup, et qu'on met en perspective toutes ces communautés, on s'aperçoit que dans les années 60, il y avait un certain nombre de communautés assez typiques et qui ressemblaient beaucoup à Twin Oaks, qui avaient pour enjeu la revendication d'une identité sexuelle, qui avaient des enjeux politiques, vivre autrement. Et aujourd'hui, c'est exactement ce que vous dites, on sent qu'il y a une volonté d'élargissement, et notamment, ce qui a beaucoup de succès en ce moment aux États-Unis, ce sont les éco-villages. Le mot est apparu en 91. Donc relativement récemment, au regard de l'histoire longue de ces communautés intentionnelles, mais avec l'idée qu'on peut inventer d'autres façons de vivre ensemble en respectant toute une série de préceptes liés à la nature. On peut inventer d'autres façons de produire par le biais de la permaculture, d'autres formes de sociabilité qui sont néo-rurales, etc. Donc ces communautés se réinventent en permanente. Ce ne sont pas simplement un épiphénomène des années 60, elles se sont intégrées dans le tissu américain, mais ça serait vrai également en France, et puis elles sont bien qu'il y a des préoccupations. Et le retour aujourd'hui des préoccupations écologiques, libertaires, etc., sont complètement portées par ces nouvelles communautés. Oui, parce que les questions que se sont posées ces gens-là dans les années 60 sont les mêmes que l'on se pose aujourd'hui. Ils avaient un esprit éveillé par rapport au rapport à la nature, par rapport au capitalisme, à la société telle qu'elle évolue. Il y a à puiser, alors on va peut-être pas changer tous d'horaire pour être à l'heure au travail, mais il y a à puiser dans ces réflexions-là. Quand vous les étudier, le mot utopie fait toujours penser à quelque chose d'impossible et d'irréel. Vous insistez bien que ces communautés d'intention, ces utopies sont concrètes, c'est-à-dire qu'il y a des choses à puiser. Tout à fait, et je pense que tous les protagonistes de ces communautés exigent que dans leur quotidien, l'idéal dont ils sont porteurs ne soit pas simplement un idéal de papier, mais soit incarné dans des pratiques alternatives, dans la façon de travailler. Mais par exemple, une des choses qui m'a beaucoup frappé en passant beaucoup de temps, en travaillant, en vivant avec ce qu'on appelle des communards, c'est par exemple le respect de la pluralité des identités de genre. Twin Oaks, comme d'autres communautés, accueille beaucoup de jeunes queers, par exemple, qui trouvent là un moyen d'échapper à la pression sociale d'une identité qui n'est pas encore bien acceptée aux États-Unis, en tous les cas. Vous avez évoqué, Michel Lallemand, cette idée d'échapper à la pression sociale. Je pense que ça parle à beaucoup d'éditeurs, cette pression sociale que nous ressentons tous, un désir d'égalité, vivre et travailler dans des communautés utopiques, c'est au seuil. Merci Michel Lallemand. Merci à vous. Il est l'heure de retrouver, alors là, non pas une utopie ou alors une utopie de plaisir, c'est Anaïs Quien et son journal de l'histoire. Bonjour Anaïs. Bonjour Xavier, bonjour à toutes et tous. Alors aujourd'hui dans le journal de l'histoire, une exposition et l'histoire de nos assiettes. Des patates à frites de nos bistrots aux légumes anciens qui opèrent un retour fracassant sur les étals. Ouh, cette voix d'hiver qui revient. L'exposition Nourrir Paris, une histoire du champ à l'assiette, raconte le parcours de ce que les Parisiens mangeaient, mangent et mangeront peut-être. J'ai déjà dit 100 fois que pour simuler le feuillage des œufs mimosa, je voulais de l'estragon et non pas du persil. Voilà. Je m'en fous, parlez-en au chef. Je m'en fous, moi je m'en fous du chef. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va, mon petit Marcel? Très bien. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a rien, j'ai des broutilles. C'est monsieur Septime qui veut mettre de l'estragon à la place du persil. Dans le mimosa? Du persil et des oignons. Jamais d'estragon. Autrement, c'est pas bon. Les historiens commissaires de cette exposition, Emmanuel Cronier et Stéphane Lebras, ont voulu retracer l'histoire d'une identité alimentaire au-delà de l'art gastronomique français déjà très fréquenté. L'exposition s'intéresse à ce qui remplit les assiettes des Parisiens tous les jours, comment les légumes, les viandes et autres ingrédients sont produits, acheminés et distribués en écho aux exigences contemporaines de proximité, de qualité et de traçabilité, et aussi de conditions de travail de ceux qui les produisent. Car d'après ce que nous savons encore, ces problématiques sont constantes à Paris et les révoltes généreuses depuis le Xe siècle. Au premier temps de la vache, toute seule dans son pré, elle est là. Au premier temps de la vache, il y a l'éleveur, il y a la bête et il y a moi. Et ma faim qui bat la mesure de mon estomac. Avec 200 000 habitants au milieu du XIVe siècle, Paris fait figure de très grande ville et devient gigantesque lorsqu'elle dépasse les 2 millions dans les années 1880. L'approvisionnement, c'est la question cruciale pour ses gouvernants sous peine de pénurie et de vindicte populaire. Si l'ouest de la France alimente Paris au printemps, après l'automne, les pays du Nord, où la maturation est plus tardive, prennent le relais. Un calendrier, des infrastructures, une organisation industrielle pour nourrir la capitale se mettent en place au fil des siècles. Dans le parcours des salles de la bibliothèque Fornay, les idées reçues ont la vie dure. À commencer par la mondialisation alimentaire, que l'on attribue volontiers aux années 1980 avec ses containers et ses tankers, cette circulation massive est établie dès le XVIIIe siècle pour les produits d'exception comme le thé et s'étend à une très grande variété, toujours plus grande, d'aliments jusqu'à nous. Les circuits courts revendiqués aujourd'hui sont monnaie courante intramuros. Les terres des Visitandines de Chaillot ou encore la plaine des Vertus, la Courneuve, Aubervilliers, autant de lieux de production disparus sous l'urbanisation de l'Île-de-France. Les denrées arrivent sur les marchés, puis aux Halles à partir de 1850, dans ce célèbre ventre de Paris déplacé à Rungis dans les années 1970, pour être ensuite distribuées, impliquant un fourmillement de métiers, du maraîcher à la crémière, en passant par la bistrotière. Au deuxième temps de la vache, c'est à peine si je l'aperçois. Au deuxième temps de la vache, il y a du monde entre la bête et moi. Il y a le tueur qui passe la mesure, le transporteur qui lui emboîte le pas. Pendant que le ministre nous assure que la viande de la vache ne monte pas. Une vache à 1000 francs, en quittant le Morbihan. De bien chemin faisant, comme par enchantement, une vache à 5000 francs, en arrivant au moins une vache à 5000 francs. Les Parisiens évaluent leurs gouvernants, puis leurs élus, en fonction de leur capacité à assumer leur approvisionnement, à combattre les hausses de prix et à lutter contre la spéculation. Après l'échec lamentable du siège de Paris par les Prussiens en 1870, certains sont allés jusqu'à se tailler des steaks dans la trompe des éléphants des ménageries de la ville. La leçon est bien comprise. L'approvisionnement est rationalisé, mais rationné aussi. Les circuits d'acheminement et la gestion des stocks deviennent très performants pendant la Première Guerre mondiale, jusqu'à l'occupation et son pillage systématique qui replonge Paris dans la faim. Merci beaucoup Anaïs, Monsieur Septime, enfin Louis de Funès et Jean Poiret et sa vache à 1000 francs. Il nous fallait bien ça pour nourrir Paris. Nourrir Paris, une histoire du champ à l'assiette. C'est une exposition que vous pouvez voir à la bibliothèque Fornay. Une exposition, si on veut les informations utiles, tout ça, c'est sur le site internet franceculture.fr, la page du journal de l'histoire. Anaïs. Et exceptionnellement, donc je tiens à le signaler, le catalogue est gratuit.